Mosaïque. Bonjour à tous, amis fidèles auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à cette émission Mosaïque. 13 octobre 1961, 13 octobre 2021, cela fait déjà 60 ans que le héros de l'indépendance nationale, le prince Louis Gwagasore, a été assassiné. Commémoration alors du 60e anniversaire de cet assassinat. Qu'est-ce que les Burundais peuvent retenir de son héritage en matière de sécurité et droits de l'homme? Plus d'un savent en effet que des crises sanglantes ont eu lieu au Burundi après son assassinat, après même l'indépendance pour laquelle il s'était battu. Des moments sombres de l'histoire qui ne laissent personne indifférent. Quel serait alors l'état des lieux aujourd'hui en matière de sécurité et droits de l'homme dans le pays? Quels sont les défis et en quoi l'héritage du héros national de l'indépendance, le prince Louis Gwagasore, pourrait aider les Burundais, dirigeants et dirigés, pour consolider effectivement cette indépendance chèrement acquise? Nous sommes avec nous trois invités sur le plateau. Olivier Nkurunziza, vous êtes le président du parti UPRONA, le parti justement dit du prince Louis Gwagasore. Bonjour et bienvenue Olivier. Bonjour et merci pour l'invitation. Je salue mes collègues ici et tous les auditeurs qui écoutent la radio Isanganiro. Tassian Sibomana, acteur politique de l'opposition, vous avez été aussi un des responsables de ce parti de Gwagasore. Bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour, d'abord je précise que je le reste. Vous restez responsable du parti UPRONA. Oui, parmi les responsables. Il y a le président du parti UPRONA ici. Oui, moi aussi. Il y en a qui me reconnaissent, président, d'une façon ou d'une autre. C'est vrai, il y a le parti UPRONA institutionnel et il y a d'autres. Ça, c'est une réalité. Bon, je salue aussi les auditeurs de la radio Isanganiro, sans oublier nos amis avec qui nous sommes dans le studio. Et puis nous sommes avec vous, Aloïse Batungwanayo, historien de formation, chercheur, commissaire chargé des enquêtes à la CVR, Commission Vérité et Réconciliation. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Vitaliho et bonjour tout le monde qui est en train de nous suivre. Nous avons voulu la participation d'un quatrième invité qui devait représenter le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, mais sans succès. La mise en onde est assurée par François Akimana, réalisation d'Alain Désiré Boukeneza et au micro, Léonce Vitaliho. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette émission. Isanganiro. Olivier Nkurunziza d'abord, président du parti UPRONA. 60 ans après l'assassinat du prince Louis Gwagasore, qu'est-ce que vous gardez de lui en matière de respect des droits de l'homme et sécurité? Gwagasore, le prince Louis, le fondateur du parti UPRONA, le parti UPRONA a gardé d'abord son idéologie qui prenait la paix et l'unité des Burundais. Et il était aussi le partisan de la justice sociale des Burundais. Et la liberté, parce qu'il a lutté pour l'indépendance, il cherchait la liberté de tous les Burundais, mais aussi le développement intégral des Burundais. Gwagasore, qui a été assassiné après ses 25 jours, après les élections de 1961, il n'a pas eu la chance de mettre en application tous ces programmes qu'il avait promis aux Burundais. Et suite à sa mort, je dirais sans toutefois me tromper que tous les maux qu'a connu le Burundi, ça a été dû suite à sa mort. Parce que c'était un homme de grand charisme. Et il avait même dit à M. Moss, qui était un homme belge qui venait du Rwanda, tenant compte de la situation d'alors, c'était à partir de 1959, où au Rwanda il y avait eu des massacres et que le peuple rwanda s'est entretué. Il avait promis qu'au Burundi, cela sera impossible. Somos, il était le partisan de la création de la haine ethnique. Il avait même aidé des Burundais pour créer des partis politiques qui étaient basés sur l'ethnisme. Et Gwagasore, il avait même avisé, et vous pouvez le lire dans ses discours, dans l'interview qu'il avait donnée dans les journaux d'alors, et il avait promis aux Burundais que ce fléau qui pouvait passer à travers les divisions ethniques, que lui étant encore que ça vivant, n'allait pas avoir lieu. Que ça n'allait avoir lieu. Mais c'est à partir de sa mort curieusement, curieusement, ces divisions, ces conflits ethniques ont eu lieu et quelques années après sa mort, 1965, 69, 72, 1988, 80, 93. Quelle serait la lecture que vous pourriez faire à cela? La lecture était simple parce que à partir de là, il luttait pour avoir l'indépendance et l'indépendance du Burundi. Et l'indépendance a eu lieu en 1962. Non. Mm-hmm. C'est avec les élections de 1961 mm-hmm. que nous avons pu avoir l'indépendance. Alors, il a touché sur les intérêts des Belges qui allaient quitter le Burundi. Alors, ils ont tout fait pour rester au Burundi en passant par d'autres manières à manipuler les Burundais qui étaient dans d'autres partis politiques. Vous savez qu'il a été assassiné par Birori et Nidendereza et d'autres qui faisaient partie des responsables du parti PDC. Alors, après sa mort, ils ont pu essayer de manipuler même à l'interne du parti politique qui a gagné les élections d'Iprona. Il y a eu des divisions internes. Il y a celui qui l'avait dit bien avant, les branches de Moronvia, Casablanca. Tout cela, il y avait eu toutes ces influences externes qui ont pu influencer à l'interne. Il y a eu des divisions. Après, toutes ces divisions ont touché le pays des d'une influences, manière ou d'une autre. Des influences à l'interne. Il y a une part donc du parti Iprona dans des massacres qui ont eu lieu. Jamais, il n'a jamais tué les Burundais en tant que parti. Mmh. Mais ce sont les membres du parti Iprona qui se sont entretués. Mmh. Alors vous voyez que c'était la crise du pays à l'interne qui ont poussé que ces gens s'entretuent. Et je ne trouve nulle part où il y a la responsabilité du parti Iprona. Parce que ce qui engage le parti Iprona, ce sont des décisions qui ont été prises par les organes du parti. Mais peut-être les membres du parti Iprona qui se sont entretués. Alors il ne faut pas considérer les personnes et les confondre avec le parti. Merci. Et permettez que je passe le micro à Tassian Siomana, vous qui vous réclamez de l'Iprona à maintes reprises, ce que vous gardez du prince Louis Gwagasole 60 ans après en matière de sécurité et droits de l'homme. Merci, je ne me réclame pas, je le suis. Sauf si vous me prouviez le contraire, qu'on le devait par décret. Cela dit en passant. Alors, je garde un héritage assez prestigieux de notre héros de l'indépendance en matière des droits de l'homme et de la sécurité. D'abord, comme vous le savez, il a à maintes reprises exprimé à travers ses discours, ses faits et gestes. Et le prince Louis Gwagasole voulait la paix et la sécurité pour tous. Je commence par là d'ailleurs. Et c'est pourquoi d'ailleurs il a toujours répété que sa victoire ou la victoire de son parti impliquait la mise en place d'un gouvernement qui devait sécuriser tout le monde, qui devait tranquilliser tout le monde, où tout le monde se reconnaissait et que tout Burundais, face à son gouvernement, devait se sentir apaisé. C'était ça sa volonté. Autre chose, il voulait que les militants du parti qui venaient de gagner les élections ne se montrent pas assez hautains par la victoire, assez auréolés par la victoire, mais qu'après les élections, ils se reconnaissent comme tous les Burundais. Parce que selon lui, la victoire de l'Iprona ne signifiait pas uniquement la victoire de l'Iprona, mais c'était la victoire de tout un peuple. Parce que, comme il le disait, perdants et gagnants, ce sont tous des Burundais qui doivent jouir des mêmes droits et des mêmes devoirs en tant que citoyens d'un même pays. Autre chose, toujours dans ce volet de paix et sécurité, non seulement il en appelait à la responsabilité des responsables du parti, il faisait un clin d'œil à tous les militants que celui qui violerait ses principes de respect d'autrui, de ne pas être auréolé par la victoire pour commettre des délits de tout genre ou commettre des infractions, il leur promettait le châtiment si jamais il devait contrevenir à ce genre de principe. Donc vous comprenez qu'il voulait, pour me résumer, il voulait la paix, la sécurité et la tranquillité pour tout le monde, sans distinction d'appartenance ni politique, ni ethnique, ni même nationale. Parce que à la fin de son discours, il a adressé quand même des mots apaisants aux anciens colonisateurs qu'étaient les Belges. Au niveau des droits de l'homme, ça commence par là. Quand tu n'as pas la sécurité, quand tu n'as pas la paix, je pense que les autres droits sont vraiment d'importance mineure. Donc il a commencé par l'essentiel. Mais au-delà de cela, Rwagasore, je me demande pourquoi on dit qu'il y a beaucoup, qu'il y a d'autres héros de la démocratie. C'est lui le véritable héros de la démocratie, parce que non seulement il a combattu contre les colonisateurs jusqu'à organiser des élections, jusqu'à aller taper sur la table des Nations Unies pour que les élections soient réellement organisées de façon transparente, mais aussi et surtout, il a lutté pour que les femmes aient le droit de lire et de se faire élire. Je pense que ce n'était pas le cas. Et j'informe ceux qui nous écoutent que les Burundaises font partie des premières dames, presque parmi les rares pays au monde où les femmes avaient ce droit depuis les années 60. Donc vous comprenez que quelque part, il incarnait beaucoup de valeurs. Et au niveau de la même démocratie, il la voulait, une démocratie telle que les Burundais la voulaient. Et pour lui, cela signifiait la justice sociale pour tous, ce qui signifie beaucoup de choses. La justice sociale, c'est la justice distributive, c'est la justice des tribunaux aussi, parce que ça renferme les deux aspects. Donc, pour me résumer, en matière des droits de l'homme et de la paix et de la sécurité, il nous a légué un véritable très riche. La question qui se pose, c'est ce qu'on en fait. Je pense qu'on va y arriver. Et la situation aujourd'hui, selon vous, c'est comment? Votre lecture, c'est comment? Je pense que ça intéresse parce que justement, les questions de fond que sont les questions de sécurité, et de paix et des droits de l'homme, ça implique plus particulièrement les dirigeants du pays, les responsables du pays à tous les niveaux. Les autres peuvent jouer un rôle, mais d'importance très mineure, par rapport à ceux qui gouvernent. Vous parlez ça des veut plus dire, redevables. Donc, oui, les plus redevables. Et parce que vous voyez même que Feu Rwagasore le disait clairement. Il disait que c'était le gouvernement qui devait faire en sorte que le peuple se reconnaisse en lui en tant que son protecteur. Et il disait que les responsables du parti qui venait de gagner les élections devaient servir d'exemple et encadrer les militants à telle enseigne que personne ne soit inquiété par le simple fait qu'il n'était pas membre du parti gagnant. Donc vous comprenez que chaque fois, il donnait la priorité aux responsables, que ce soit au niveau des pouvoirs publics, de l'administration et au niveau du parti. Même aujourd'hui, la situation est un peu mitigée pour moi, parce qu'il y a violation flagrante des droits de l'homme. Il y a des questions de paix et de sécurité qui se posent. Si vous voulez qu'on en débatte, on en débatte et on peut le faire. Mais d'ores et déjà, quand il y a des gens qui meurent par centaines, par an, par dizaines de fois par jour, quand il y a des gens qui sont arrêtés et emprisonnés arbitrairement, quand il y a des torturés, vous comprenez qu'il y a une question qui se pose. Et ça, c'est au niveau des droits de l'homme. Les droits socio-économiques, en parlons, il faut en parler aussi parce que il s'agit aussi d'une question préoccupante. Qu'en est-il de la gestion du Covid? Qu'en est-il des questions économiques? On entend souvent que dans les discours du chef de l'État, il y a un certain élan tendant à décourager les corrupteurs et les corrompus. Mais au niveau des faits, il y a quelque chose à améliorer. Il faut joindre l'utile à l'agréable. Ça ne peut pas s'améliorer en un jour. Ok, c'est un clin d'œil. S'il lance en termes de discours, au niveau des actes, il faut qu'il passe à la vitesse supérieure. Je suis convaincu que le peuple burundais est derrière lui si jamais il y traduit les actes dans les faits. Permettez que je passe le micro à Aloïse Batungwanayo, chercheur, historien, un des responsables de la Commission Vérité et Réconciliation. Vous êtes membre de la Commission Vérité et Réconciliation. Votre lecture, c'est comment? Le prince Louis Rwagasore prenait pour le respect des droits de l'homme que tout Burundais vive en paix et sécurité, mais il s'est observé des périodes sombres de l'histoire du Burundi. Effectivement, le parti UPRONA, parce qu'on ne peut pas parler de Rwagasore sans le parti UPRONA, le parti UPRONA avait un projet de société qui a guidé la campagne électorale de ce parti, et lequel parti qui a mis en avant le prince Wagasore Rui comme leader, je dirais comme candidat, même s'il n'y avait pas un candidat, mais c'était le leader qui était mis devant. Cela veut dire que on ne peut pas parler de ce que Wagasore voulait, il faut dire plutôt le parti. C'était un projet de société d'un parti politique que les membres de ce parti politique, de la base au sommet... C'est donc Luprona par Wagasore. C'est d'abord Luprona. Ce n'est pas Wagasore qui a confectionné le projet de société. Wagasore a accepté parce qu'il faisait partie de ce parti Luprona. C'est-à-dire qu'il y avait un projet de société qui a aidé Wagasore à battre campagne. Et d'ailleurs, lequel projet de société a été mis en avant par les Barundi parce que Wagasore a été, je vais dire, le parti Luprona. Ce n'est pas Wagasore, parce que Wagasore n'a pas été élu. N'a pas été élu ? Non, il n'était pas candidat. Comment ? Il n'était pas candidat parmi les députés. Non, non, il n'était pas candidat. Donc, il faut que les gens le comprennent. C'est-à-dire que le parti Luprona a aligné les Upronistes et les Wadasigana, et lesquels Wadasigana ont siégé dans l'Assemblée nationale et ont proposé au Mwami la candidature de Wagasore comme Premier ministre. Donc, les gens ont vu que le projet de société était bon, je vais dire les Barundi, et ils ont voté pour ce projet de société. Et les députés ont élu Wagasore comme candidat à la primature. Le Mwami a signé un décret qui le nommait Premier ministre. Donc aujourd'hui, ce projet malheureusement a été lettre morte. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas eu d'abord le temps de le mettre en application. Seulement 26 jours, il a été assassiné. On ne peut pas mettre en application un projet de société dans moins d'un mois, même dans moins d'une année. C'est vraiment impossible de pouvoir mettre en application le projet de société. Alors, la question qui se pose, c'est quoi ? Pourquoi ce projet de société, qui était un projet du parti, et que le projet... Un bon projet. Un très bon projet. Très bon projet, j'ajoute. Comment est-ce que le projet de société élaboré par un parti politique part avec un homme politique ? Parce qu'on ne doit pas le chercher de midi à 14 heures. L'inclusion au niveau du genre, l'inclusion ou l'inclusivité au niveau ethnique, les projets de coopératives, on voit que ce projet de société qui était cher au parti Luprona, qui était cher à Wagasore, n'a pas continué à faire son chemin. C'est ça la question qu'on se pose. Parce que jusqu'au moment où Luprona n'était plus au pouvoir, je vais dire, jusqu'en 1993, c'était Luprona qui était en charge du pays, qui était, à travers la Constitution d'ailleurs, à travers les décrets, Luprona, c'était le décret de 1965 du 23 novembre 1965, 66 plutôt, a décrété que Luprona est le parti unique, parti État, qui donne l'orientation générale de l'État. Donc, c'est un décret. C'est un décret. 23 novembre 1966. Un décret loi, signé par le Mwami Ndizeye. Le parti devient unique. Unique et un parti État, c'est comme ça que ça se dit. Et ce parti donne l'orientation générale de l'État. Comme alors ce projet de société était là ? Est-ce que le projet de société réellement était de Wagasore ou était de Luprona ? Parce que le constat, les faits ont été visibles. Wagasore est assassiné en 1961 et le décret... Qui instaure le parti Luprona comme unique, c'est en 1966. Mais à partir de 1961, c'est toujours Luprona qui divise le pays. Donc, Wagasore et Luprona, ça se divise. Wagasore d'un côté, Luprona de l'autre. À travers le projet de société. Il y a vraiment une nette différence parce qu'on le voit très bien, cette inclusivité, ces projets de respect des droits de l'homme, ces projets de coopératives de deuxième génération, comme il le disait, les droits socio-économiques, on voit très bien que ce parti, IPRONA, n'a pas continué sur la lancée du héros national de l'indépendance. Et là, comme je parle d'indépendance, permettez de placer un mot très important. Le Burundi n'a pas eu son indépendance en 1962. En 1962, le Burundi a recouvré son indépendance parce qu'il avait perdu le 3 juin 1903. Là, vous allez loin. Non. Il faut plus pour quelqu'un à Burundi qui se respecte de dire que nous avons eu notre indépendance en 62. Non. En 1962, nous l'avons recouvré parce que nous avons recouvré l'indépendance de 1903. Que nous avions perdu grâce au procès de Kiganda en 1903. Je posais la question, pourquoi la lecture que vous pourriez faire par rapport à ces crises répétitives dans le pays? Après l'assassinat de Rwagasore, il y a des crimes en 1965, 1969, 1962, 88, 92. Pourquoi, Aloïse? En quelques mots. On aime dire que les violations graves des droits de l'homme commencent... Et les conflits, ça se dit souvent ethniques. Oui, mais ces violations ne commencent pas en 65. Ils commencent le 15 janvier 1962 avec le massacre de ce qu'on aime appeler les syndicalistes. Il y a eu une vingtaine de personnes qui ont été tuées dans des conditions obscures. Et le pouvoir judiciaire n'a pas fait suite à ces massacres. Donc ça commence dès la mort du Premier ministre Rwagasore. Alors, les massacres, les violations graves des droits de l'homme qui ont eu lieu au Burundi, à un certain moment, sont imputables au Burundi. Il faut le dire. Mais ces violations graves des droits de l'homme prennent plutôt naissance dans la création des groupes antagonistes au Burundi. Et dans l'exclusion qui a été orchestrée par la colonisation. Lorsque la colonisation décide, et ça, je vais étonner la plupart des Burundis, lorsque la colonisation décide d'exclure des catégories de gens, je dis bien des catégories, la plupart des Burundis aiment dire que la colonisation a exclu les Bahutus. Non, il n'y a pas que des Bahutus qui ont été exclus. Je dis les Bahutus parce qu'en 1945, il n'y avait plus aucun Mobutu dans l'administration. Mais en 1945, les Batare représentaient seulement 12%, alors que les Beidi représentaient 36% dans l'administration. Le reste, c'était des Batutsi. Vous comprenez qu'il y a eu l'exclusion. Ces proportions émanent d'où? Ces proportions, si vous voulez le voir, allaient dans le livre de Gahama Joseph, qui s'appelle Burundi sous l'administration belge de 1919 à 1962. C'est des chiffres, un tableau qui est bien clair, qui montre cette exclusion. Donc l'exclusion, c'est cette exclusion concoctée par la colonisation qui aboutira finalement à ces massacres, à ces violations. Pourquoi je le dis? L'exclusion des Batare, l'exclusion des Bahutus continuera et aboutira à ces massacres qui ont commencé d'abord en 62 et puis en 65 et puis en 69. En 72, c'était la catastrophe parce que là, c'est là aussi où les Baganois, où oui, les gens qui venaient de la royauté ont été également ciblés en même temps que les Bahutus. Mais aussi longtemps que nous parlons de l'héritage de Rwagasore, le héros de l'indépendance nationale, est-ce qu'il y a une relation avec cette indépendance et ce que prônait le héros de l'indépendance, droit de l'homme de façon générale et sécurité dont on est en train de parler C'est intimement lié. Je vous dis en passant que le premier, je dirais, droit de l'homme qu'il a respecté, lorsque il est sorti de la surveillance, de la garde à vue, parce qu'il était mis en garde à vue depuis le 10 octobre 1960 jusque le 15 octobre, non, le 16 octobre, au lendemain des élections, le 16 novembre plutôt, il a été relâché. Il était en garde à vue à Bururi. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il est sorti de la garde à vue de plus d'un mois, il a dit « j'accepte de continuer le processus électoral ». Parce qu'il n'avait pas participé dans le processus électoral des communales. Il a dit « j'accepte de continuer le processus électoral dans les législatives à une condition que les femmes élisent et se font élire ». Vous comprenez ? Il a d'abord respecté le droit de se faire élire et d'élire. C'est un droit civil et politique. Et dans le parti UPRONA, auquel il était le conseiller général, pas président, parce que Jean-Paul Haroua avait signé un arrêté qui empêchait les enfants du royaume jusqu'au deuxième degré d'être dans les comités directeurs des partis politiques. C'était interdit donc. C'était interdit. Il était le conseiller général. Donc il avait dit que dans le parti UPRONA, il avait besoin de voir les Bahutu, les Batutsi, les protestants, les catholiques, les Swahili, ainsi que ceux qui ne priaient pas. Donc vous comprenez que lui, il respectait... Les Swahili ou les musulmans? Non, pas les musulmans, les Swahili. Il y a une communauté Swahili, c'est-à-dire c'est une culture et c'est là où on trouve la plupart des musulmans. Il y a des... Swahili, donc qui les, Swahili, pas, les gens qui parlent ceux la langue qui parlent Swahili. Swahili. Voilà, les Swahili. Ce n'est pas les Swahili qu'on connaît dans le jargon kirundi, ce qu'on dit, ou Swahili pour dire menteur. Non, ce sont les Swahili, une culture qui se manifeste à travers la langue. Lui, il avait rassemblé ces gens. Vous comprenez que le parti UPRONA, avec Ouagasol, c'était un parti rassembleur. Au niveau de la sécurité, dans son discours, parce qu'il avait déjà vu. Pourquoi je vous dis, j'ai été à Kirundo, où il y avait le fief du Parti démocrate chrétien, dirigé par Nidende Leza et son frère Biloli. Les upronistes avaient commencé à violenter, à faire des violences contre les militants du PDC. Et lui, dans son discours, il a dit « Je ne veux pas quelqu'un qui se venge ». Je ne veux pas quelqu'un qui se venge. Il y a Tassien qui, Simon Mana qui disait tout à l'heure que Ouagasolé disait « Gagnants et perdants, ce sont tous des Burundais ». Justement, il a dit pourquoi. Parce qu'il y a eu certains upronistes qui avaient été mécontents de la persécution des militants du PDC aidés par l'administration de Haroua et qui voulaient se venger. Lui, il a dit « Non, je n'ai pas gagné pour me venger ». Les perdants et les gagnants, vous êtes tous des Burundais. J'en ai besoin pour mettre en application mon projet de société. Pour ceux qui pourraient nous avoir capté en cours de route, je rappelle que nous sommes en train de parler de l'héritage du prince Louis Ouagasolé, héros de l'indépendance nationale, avec un zoom sur les aspects droits de l'homme et sécurité. Héros de l'indépendance nationale, et on en parle 60 ans après son assassinat. Je vais retourner chez vous, Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA. Auriez-vous quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire Aloïse Batungwanayo? Il dit beaucoup de choses, il entre beaucoup dans l'histoire, je ne sais pas. C'est difficile seulement pour ceux qui écoutent de pouvoir comprendre tous ces aspects qu'il vient de dire dans quelques minutes. Mais seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que le parti UPRONA est intimement lié à Ouagasolé. C'est la raison pour laquelle dire que le projet de société de quoi? Oui, dans la logique, oui. Mais il faut savoir qu'il était l'homme principal. Dans ceux qui ont pu concevoir le projet de société était là. Même s'il était conseiller général, dans les assemblées des coopératives, des assemblées des hommes qui venaient des Nations Unies, il prenait le devant pour défendre les intérêts du parti UPRONA, pour défendre société et projet de société. C'est la raison pour laquelle on trouve que c'est vraiment son héritage. Tout ce qu'on trouve dans le projet de société du parti UPRONA, c'est vraiment l'héritage de Ouagasolé. Parce qu'il prenait le débat, il défendait tout ce qu'il faisait comme propagande. Alors, aujourd'hui, si nous tenons à tenir compte de tout ce qu'il venait de dire, les massacres, les tueries, bien sûr, je l'avais dit bien avant, que c'est suite à la mort de Ouaga Sore. Ouaga Sore, qui était un homme rassembleur. Ouaga Sore, qui était, si vous considérez l'équipe qui était ensemble avec Ouaga Sore, c'était les Hutus, les Tutsis et les Waganois. Alors, vous voyez que il faisait vraiment l'image d'un homme rassembleur. Après sa mort, alors, les facteurs externes, quelle que soit la géopolitique ou quoi, ils ont décidé alors de passer par ces failles de la mort de Ouaga Sore pour diviser le parti Iprona et tuer les leaders qui restaient, qui avaient les idéaux du parti. Bien sûr, il a évoqué l'arrêté royal du 23 novembre 1966 qui a pu mettre ensemble tous les partis politiques au Burundi et ça restait le parti Iprona. Alors, étant un homme politique, regardez les PDC, tous les 22 partis politiques, tous ces membres deviennent les membres du parti Iprona, sans toutefois incarner l'idéologie du parti. Vous voyez que... Est-ce qu'ils devenaient membres du parti Iprona? Par arrêté. Oui, oui. Si. Par arrêté, tout le monde devenait membre du parti Iprona. Et ils obligatoirement on devait acquérir la carte de l'Iprona. Alors vous voyez même ceux qui étaient du PDC. Du PDC, tous ces gens alors ont eu l'occasion de faire d'une façon ou d'une autre de faire propager les idéaux et de perturber l'ordre que l'Iprona prenait. Alors ce sont des difficultés politiques qu'a rencontré le parti Iprona. C'est la raison pour laquelle dans l'histoire, il ne faut pas coller tout ce qui s'est passé au Burundi à l'Iprona. L'Iprona aussi a été persécuté. Est-ce que vous pourriez aller toujours dans ce même sens et pour parler de défis? En tout cas, il y a des militants qui étaient pour les autres partis avant cette mort du prince Louis Ouaga Sore, avant même la victoire du parti Iprona. Donc il y a des PDC, il y en a d'autres partis politiques, mais qui deviennent obligatoirement membres du parti Iprona avec l'arrêté du 23 novembre 1966. Oui. Il y a alors des défis que vous pouvez évoquer. Oui, les défis sont très nombreux. Vous savez qu'après la mort de Ouaga Sore et même jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu que les Burundis se sont entretués. Il y a eu les problèmes politiques qui ont des angles ethniques, qui ont été même étudiés à Arusha et qui ont trouvé quelques solutions. Mais ça persiste même encore. Vous avez, le problème d'insécurité, il y a des grandes qui se lancent même jusqu'à aujourd'hui. Il y a le problème de la corruption qui persiste encore. Il y a le problème de la justice qui s'observe encore jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez que le gouvernement actuel, il a l'obligation et le devoir de continuer dans cette ligne de Ouaga Sore pour lutter contre tous ces défis. Alors, le parti Iprona est ici pour contribuer, mais les grandes obligations et le devoir, c'est pour doit être... accompli par le parti au pouvoir aujourd'hui. Alors, c'est la raison pour laquelle ces défis, le président de la République les évoque. Nous soutenons ces actions. Alors, il faut qu'effectivement, ça soit concrétisé pour que le Burundi se développe. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Il y a une petite question, Olivier. Vous parlez de contribution du parti Iprona et c'est un devoir. Il faut contribuer pour le pays, mais il y a aussi des scissions au sein de votre parti. Pourquoi? Les scissions là, il y a des hommes, nous ne sommes pas des anges. Il y a des divisions, il y a des facteurs externes et internes. Mais ce qui est essentiel, c'est que chaque fois quand il y a des problèmes, il faut se mettre ensemble pour trouver des solutions. Sinon, on ne peut pas dire pourquoi il y a des divisions. Les divisions, les causes sont plus multiples. Alors, ce qui est essentiel, c'est de voir comment trouver des solutions quand il y a un problème posé. Attention, Soumana, des défis. Dieu seul sait combien il y en a. Mais avant d'y arriver, permettez que je glisse un petit mot sur... la problématique d'Oliprona, du projet d'Oliprona ou de Guagasol et même la suite. Il faut reconnaître une chose, l'Oliprona a eu des difficultés assez majeures, inhérentes à trois situations pour moi. La première situation, c'est que l'Oliprona a été décapité juste après la victoire, parce que son leader a été tué deux mois après la victoire. Les élections se passent le 18 septembre. Le leader est assassiné le 13 octobre. C'est moins d'un mois. Donc, vous comprenez combien ce n'était pas si facile. Cette situation est peut-être la genèse de tous les maux qui se sont succédés pour l'Oliprona et pour le pays même. Vous savez, un mois seulement des élections, les colonisateurs n'étaient pas vraiment de bon cœur, n'étaient pas à l'aise avec l'indépendance qui venait d'être acquise avec la victoire de l'Oliprona. Donc, il jurait sur tous les mots de voir comment gêner cet élan nouveau du Burundi. En plus, il y a des militants des autres partis qui, d'ailleurs, pour la plupart, étaient même des gens instruits, notamment les gens du PDC et du PDR même. Cela ne voyait pas d'un bon œil que la masse gagne les élections comme ça et que leur vision de l'indépendance soit annihilée dans un laps de temps. Donc vous comprenez que ces deux groupes de personnes ont tout fait pour étoffer l'œuf qu'était l'Oliprona. Et bien sûr, chaque fois il y a des commissionnaires, même au sein de l'Oliprona, probablement qu'il y en a, qui se sont prêtés de bon escient à ce jeu des ennemis de l'Oliprona. La situation peut être semblable même aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il y en a qui rêvaient à l'enterrement de l'Oliprona. Et les responsables de ces crises qui s'observent ici dans le pays. Je vais terminer par là. Ils se font à répétition. Pourquoi? Quel est responsable? La responsabilité de ces crises cycliques. Ok, je vais terminer d'abord sur cette question de l'Oliprona et pour répondre à la vôtre. À un certain moment, vous n'avez pas voulu insister beaucoup sur l'Oliprona. Non, c'est juste quand même pour que les gens ne continuent pas à effleurer une question de fond. Ça, c'était les premiers ennemis, c'était les étrangers et leurs adeptes qui étaient plutôt dans les partis opposés. Il y a bien sûr des commissionnaires, moi je peux les qualifier de commissionnaires. Oui. En Kirundi, on les appelait. Donc, pour dire qu'il y a des gens à l'interne qui servent de relais aux détracteurs externes. Enfin, l'Oliprona n'a pas eu le temps de se gérer comme parti, comme initiateur du projet. Avec l'avènement des républiques, chaque militaire qui venait s'autoproclamait président ou chef du parti. Peu importe l'appellation, mais la réalité était celle-là. Est-ce que vous croyez qu'il était un but de l'idéologie de Rwagasore ou du projet de l'Oliprona? Pas nécessairement. Donc ce sont des obstacles majeurs qui ont quand même empêché... Il n'a pas le temps de rester comme parti, mais en 1966, il y a ce décret qui dit que... Qui renforce son pouvoir. Oui, c'est toujours l'Oliprona. Le parti unique, parti État, qui vous a dit que c'est une façon de le renforcer, au contraire. Le militaire, je te parlais d'un militaire qui qu'est-ce qu'on renforce, qui s'amenait alors que c'est et qui nommait c'est un gouvernement. Le militaire qui était hypronyste. Est-ce que d'abord tu sais qu'avant d'être président, il n'était pas hypronyste nécessairement? Il était hypronyste. La seule chose, mais la réalité est tout autre. Seuls ceux qui voulent enfoncer le parti ne veulent pas l'entendre de cette oreille, sinon la réalité est celle-là. Vous avez cette ambition. Venons-en maintenant à votre question. Vous voulez que je parle des responsabilités? Les crises, les responsabilités sont multiples. Au début, je vous posais la question de... Oui, les défis. Les défis, surtout. Insister sur les défis. Oui, voilà, c'est ce que je pensais moi aussi, parce que c'est la question du jour. Les défis, je commence par le défi majeur, qui est le manque de volonté politique. Parce que tous les maux que le Burundi a endurés, que les Burundais avons endurés, il y a moyen de s'en sortir, pourvu que les dirigeants soient animés d'une bonne volonté et d'une bonne foi. Ça, je ne fais pas trop de discours là-dedans. Je vous donne ce défi comme le principal des défis que nous avons. Pour que la question des droits de l'homme, la question de la paix et de la sécurité soit une réalité dans notre pays. Deuxième défi, c'est justement la problématique de la justice dans notre pays, l'impunité. Parce qu'effectivement, quelqu'un peut se dire, il y a mon ancêtre qui a été tué dans une des étapes cycliques, des phases cycliques qu'a connu le Burundi. Maintenant que j'ai le pouvoir, je veux me venger. Ça deviendra une crise cyclique. Quand vous êtes un homme d'État, vous devez agir dans le sens positif. Vous devez surpasser tout ce qui vous est arrivé. Sinon, vous n'allez arriver nulle part. Et là, j'avais oublié, je reviens à la question de l'idéologie de Rwagasore ou de Luprona. Je voudrais vous dire que c'est difficile de dissocier l'idéologie ou le projet de société de Rwagasore à celui de Luprona. Parce que la notion de leadership est extrêmement essentielle. Que ce soit même pour une petite association, dans un parti politique et encore plus pour un pays. Un seul leader peut sauver cette organisation ou son pays comme il peut l'anéantir. Ça, j'ai des preuves qui abondent, que ce soit au niveau de la gestion des organisations, que ce soit au niveau de la gestion des pays. Il suffit qu'un seul homme d'État ait une vision pour qu'il aligne tout un peuple derrière lui et que son pays décolle à vue d'œil. Il suffit d'en rater l'occasion d'avoir un bon leader pour que le pays ou l'organisation s'enfonce de façon irrémédiable. Donc, pour vous dire que, après l'assassinat de Rwagasore, tout pouvait arriver. Enfin, le dernier défi qui me semble majeur, parce qu'il y a beaucoup d'aspects, mais je parle des essentiels, c'est l'égoïsme. L'égoïsme sous deux aspects, aspect partisan et aspect ethnique. Quand vous êtes un leader et que vous raisonnez en ethnie, quand vous êtes un leader et que vous raisonnez en partisan, vous êtes à côté de la plaque de l'héritage de Rwagasore et vous êtes à côté de la plaque. Je vous retourne la question. Nous sommes devant le micro. Il y en a ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Vous me retournez la question. Je pense que les Burundais sont en mesure d'apprécier si réellement il n'y a pas d'égoïsme partisan ou d'égoïsme ethnique. Aloïse, j'ai des chiffres pour vous en faire vous avez quelque chose les à exemples. Par rapport à des défis qu'on est en train d'évoquer, c'est pas si... Le plus grand défi que nous, les Burundais, avons est le manque d'analyse du conflit burundais. L'analyse du conflit burundais a été analysée. Vous voulez aller dans les racines. Justement, l'analyse du conflit a été bien analysée à Arusha. Et je dois vous dire que, malheureusement, il y a des aspects qui n'ont jamais été considérés. Le protocole 4... De l'accord d'Arusha. De l'accord d'Arusha, qui impliquait même la communauté internationale pour aider le Burundi à se relever économiquement. Mais ça n'a... Alors, on ne l'avait pas. On se dit, autosuffisant. Non, on aime... On aime dire que l'accord d'Arusha a été violé dans son volet des droits civils et politiques, mais l'accord d'Arusha a commencé à être violé dans son volet des droits socio-économiques. Et donc, il faut analyser, il faut continuer... De la deuxième génération. De la deuxième génération. Bien, si bien dit. Si. Alors, quand vous violez les droits de la première génération et que vous sollicitez l'appui pour la deuxième génération, vous n'en avez donc, pas. Donc, je continue, c'est moi qui, pour le moment, la parole. Lorsque vous mettez devant l'analyse du conflit, vous comprenez pourquoi le Burundi a des défis. Et là, il faut que les leaders du sommet à la base, même dans les partis politiques, dans la société civile, on soit conscient pourquoi il y a eu des guerres, il y a eu des violations massives de façon cyclique. L'analyser et en faire un débat ouvert. C'est comme ça qu'on dira, comme maintenant nous connaissons les problèmes, pourquoi nous nous sommes entretués et maintenant il faut relever ce défi. Et là, j'en arrive à ces défis. Quels sont ces défis? Le premier défi, c'est parce qu'il y a un manque de partage du gâteau national. Le gâteau national, c'est quoi? Ce sont les richesses minières. C'est les résultats de la collecte de l'impôt. On dira que c'est délicieux, oui, ce gâteau. Je dis la collecte de l'impôt n'est pas bien partagée. Pourquoi je dis que ce n'est pas bien partagé? Je donne un exemple. Moi, j'ai une maison. Chaque année, je paye l'impôt foncier. Mais là où j'habite, il n'y a même pas une route. Pourquoi on je paye payer la taxe routière. Pourquoi je paye l'impôt Pourquoi je paye l'impôt foncier alors que là où j'habite, il n'y a même pas une route? L'impôt foncier, vous comprenez ce que c'est? Il y a des citoyens qui se fâchent à ce point. Bien entendu. Donc, le gâteau national n'est pas jusqu'ici bien partagé. Il faut le comprendre. Et tant que ce gâteau ne sera bien partagé, il y aura toujours des grognes, il y aura toujours des conflits. Il faut savoir chercher. Heureusement, il y a la commission de réconciliation. Chercher. Pourquoi les Bahutus et les Batutsi se sont entretués? Mais on n'a pas encore commencé à voir pourquoi il y a eu la destitution de la royauté. Des choses comme ça. Est-ce qu'il n'y avait pas... Je suis en train de parler des défis. Il y a un autre grand défi. Qui reçoivent les responsabilités? Aujourd'hui, le grand défi, on met avant le militantisme. Et là, je vais bien m'expliquer pour que je ne sois pas mal compris. Lorsqu'un parti politique gagne les élections, il nomme des femmes et des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Qu'est-ce que je vais dire? Le parti au pouvoir peut nommer des militants du CNDD-FDD, mais leur demander de faire le travail technique, pas le travail politique. Qu'est-ce que je vais dire? Un directeur de l'école primaire qui est nommé et qui est membre du parti ne doit pas travailler pour ce parti. Il doit mettre en avant la qualité de l'enseignement. Je donne un exemple qui s'est passé il y a, je pense, une année seulement au lycée du lac Tanganyika. Un enfant qui échoue et qui va sur les réseaux sociaux dit « J'ai échoué parce que j'ai pas eu le temps d'étudier, je partais dans des meetings, je faisais les travaux d'un parti politique. » Mais je suis désolé. Alors, quel parti? Inutile de le nommer. Alors, ce directeur qui court chaque fois dans des meetings, qui court chaque fois dans des réunions de son parti, au lieu de suivre l'éducation de son enfant. Est-ce que vous comprenez ce que je vais dire? Je vais dire, je peux être nommé en tant que membre du parti, mais me consacrer au travail technique. Et il ne faut pas que je sois nommé... Un travail de l'État, pas du parti. D'abord, préalable, il faut que tu sois nommé par tes compétences. Oui. Si du moins, ce sont des postes techniques. Voilà. Sinon, si tu es nommé parce que tu es militant, tu dois plus militer. C'est ce grand défi que je voulais dire. Faisons un tour de table, proposer des mots. Un clin d'œil aux responsables, aux dirigeants et aux dirigés. La première chose, je dois dire que Il y a le temps qui presse. Nous tous, Barundi, nous avons des responsabilités à des degrés différents. Je commence par le degré de ceux que nous avons mis devant, qui dirigent le pays. Ils ont la responsabilité majeure de suivre l'héritage du prince Louis Bagassoré ou du parti Prona, je dis bien de l'époque, d'être rassembleur. De l'époque. Rassembleur. C'est-à-dire, ne pas exclure une personne parce qu'il vient de Bururi. Ne pas exclure une personne parce que c'est une femme. Je ne cite pas un parti politique. Parce que c'est un Tutsi. Parce que c'est un Tutsi ou un Hutu. Je cite un parti politique dans une commune de Gisozi. Lors des élections communales de 2005-2010, ce parti politique qui a gagné dans cette commune, il a dit « Nous ne pouvons pas trouver une femme ». Dans Gisozi. Je dis bien Gisozi. Nous ne pouvons pas trouver une femme. Oui, dans ce parti qui avait gagné les élections. Est-ce qu'il n'y a pas une chose d'exclusion? Donc, évitons l'exclusion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mettez devant, responsabilisez les gens qui sont capables. Ne regardez pas qu'il n'est pas de mon parti politique, il n'est pas de mon ethnie, il n'est pas burundais. Même des étrangers peuvent avoir du boulot ici, au service de l'État. Question de compétence. Question de mettre devant la compétence. Mmh. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, il faut chercher des hommes de poigne, des hommes qui n'ont pas peur des défis. Pourquoi je dis ça? Je donne l'exemple toujours de Guagasore. Mmh. Guagasore, vers la fin de 1959, il a entendu qu'il y avait des tractations entre la colonie ou la tutelle, ça dépend de ce qu'il dit, la colonie ou la tutelle belge, et le Mwami Mwambutsa, pour que Bujumbura soit la zone franche. Mmh. Et la zone franche, c'est quoi? C'est une zone qui n'est pas contrôlée par l'administration du pays. Et les négociations étaient avancées. Les hommes autour de Guagasore, et Guagasore en tête, sont allés auprès du conseil supérieur du pays, qui siégeait à Muramvya. Ils ont imploré à ce conseil de grâce, aller dire au Mwami qu'il faut arrêter illico ce projet. Et ces hommes, membres du conseil supérieur du pays, allés chez le Mwami et lui ont demandé, please, de grâce, il ne faut pas accepter. Donc vous comprenez que les solutions sont là. Et nous, je dis bien, il faut que je le dise, nous, moi, Batungwanayo, Tassien Siomana, Olivier Nkurunziza, s'il y a des jets de grenades et que nous voyons une solution, osons écrire sur papier et assumons et chercher les gens qui sont chargés de la sécurité au niveau de la police ou au niveau de l'armée ou au niveau politique et dire voilà, moi, en tant qu'individu ou en tant que association politique ou association, je donne ma proposition. Et si ils ne suivent pas cette proposition, c'est là où je chercherai les médias. J'ai dit, j'ai proposé, cela n'a pas été suivi. Mais vous l'avez dit. Mais vous l'avez dit. Olivier, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, nous avons quelque chose à ajouter. Nous sommes dans les toutes dernières minutes de l'émission. Ce qu'il faut faire encore... Oui, des propositions, des solutions. De la CV. Et suivre l'héritage de Guagasore en matière de sécurité et droits de l'homme, c'est là où on a insisté. Aujourd'hui, il y a des défis parce qu'il y a eu des divisions, il y a eu des problèmes au sein de la société burundaise. La CVL est là pour trouver des solutions et aider les Burundais à se réconcilier. Alors, ce que nous demandons chaque fois à la CVL, c'est de travailler pour qu'il y ait une lecture commune de l'histoire du Burundi. Parce que si, justement, sans que les Burundais aient même lecture, toujours on aura des défis majeurs que les générations futures toujours rencontreront ces obstacles que nous rencontrons et ils vont vivre les conséquences que nous vivons aujourd'hui. Alors, d'autres choses qu'il faut faire, c'est de soutenir les actions du président de la République pour que ces actions soient concrétisées. De lutter contre la pauvreté, lutter contre la corruption. Et nous lui encourageons pour... il y a toujours des problèmes, qu'ils soient internes ou externes, mais ce sont des bonnes intentions que nous lui encourageons. Alors, autre problème que nous rencontrons, il y a le chômage galopant dans la jeunesse. C'est un défi très majeur. Vous voyez, à partir des jeunes qui ont eu... Peut-être ils ont vu jour à partir de 1993. Aujourd'hui, ils ont peut-être 27 ans, à peu près 30. Cette génération, ils n'ont pas de boulot. Et ils sont désespérés. Alors, c'est une bombe à retardement. 65% sont chômeurs. Alors, Chômeurs. Ils sont chômeurs. Après l'étude. Ces jeunes qui sont là, après l'étude, sont là, sont des docteurs. Termine là. Alors, et cela a des conséquences pour nous. Nos enfants même, ils disent pourquoi aller étudier alors que mon grand frère est là. Il n'a rien même, il ne contribue rien à la maison. Alors, ça décourage. Alors, il faut essayer et regarder dans cet angle pour qu'effectivement, ces crises répétitives nous reviennent à partir de ces failles que nous observons dans notre... Que les crises prennent fin, que l'on observe ces moments de sécurité et droits de l'homme dans le pays. Tassian, quelques propositions? Oui, la première, je la tire de la phrase célèbre du discours du prince Louis Guagasore au lendemain de la victoire de son parti. quand il dit que le vainqueur et le perdant sont tous des Barundis, membres de la même famille nationale, enfants d'un même ami. Le Burundi a besoin de tous, à quelque partie qu'ils appartiennent. Je pense que ça résume beaucoup de choses. Avoir la notion d'une même famille nationale, c'est très important. Nous constituons une même famille nationale. Alors, il faut que ce père, qui est le président de la République, s'approprie cette phrase célèbre du héros de l'indépendance. Car justement après les élections, il faut qu'il se rappelle que les perdants et les gagnants sont tous des Burundais. Et que le pays en a besoin tous. Ça insinue la notion de proscrire à l'exclusion de toutes sortes. Deuxième proposition, c'est que justement les responsables au sommet, le gouvernement, devraient rassurer tous les Burundais pour qu'ils vivent en paix et en sécurité. C'est aussi une vision qu'avait le héros de l'indépendance et qui devrait inspirer plus d'un parmi les gens au pouvoir. Troisième proposition, il faut vraiment asseoir une véritable justice dans le pays. Parce que sans état de droit, le reste chevillent. C'est un peu un navire qui chevillent, qui ne sait pas, qui tanque, comme on dit. Donc, il faut que cette justice sociale soit une réalité. Il faut que cette justice des tribunaux, qu'on appelle judiciaire, et de cette justice distributive dont a parlé M. Aloïse en termes de partage du gâteau national, soit véritablement une réalité. Enfin, il faut un cadre pour se pencher sur les véritables défis des Burundais. Il nous faut, dans le temps où il y a quelques années, on parlait de conférences nationales, mais il faut trouver une formule. On a besoin des états généraux de l'éducation, parce qu'il y a beaucoup de questions. Vous voulez une nouvelle commission nationale? Pas une simple commission. Une simple commission, c'est dénué de force. Je veux plus fort que ça. Il nous faut un cadre d'analyse de cette situation de chômage qui hante la jeunesse burundaise. Il y a les réfugiés qui sont ici et ailleurs. C'est une menace de pour le pays, que vous le vouliez ou pas. Donc il nous faut, de façon générale, un cadre. Et tous les Burundais, nous sommes disposés à contribuer. Mais il faut que le leader qui est face à nous sache justement intérioriser ce que prenait Ouagasore comme nous sommes tous des Burundais. Nous avons à contribuer. Il faut qu'ils nous mettent à contribuer. Merci, messieurs Tassian Soumana. Merci d'être prêt à contribuer à tout moment, chaque fois que l'on va vous appeler. Et merci d'avoir participé à cette émission Mosaïque. Merci de votre contribution, Tassian Soumana. C'est moi qui vous remercie. Je remercie tous ceux qui nous ont écoutés et tous ceux qui nous suivent à travers la nouvelle télévision de la radio Isangani. Merci à vous, Aloïse Batungwanayo, historien de formation, chercheur, chargé d'enquête au sein de la commission Vérité, Réconciliation, Sévère. Merci d'être venu, merci de votre contribution à cette émission. Ce fut un plaisir de partager les connaissances que j'ai déjà acquises depuis que j'ai commencé la recherche. Je vous en remercie beaucoup. Merci. Merci à vous, Olivier Nkurunziza. Je rappelle que vous êtes le président du parti UPRONA, parti de Rwagasore. Merci d'être venu. Merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et je reviendrai pour la fois prochaine, une fois quand vous aurez besoin que je participe dans l'émission. Merci. Ainsi prend fin l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Je rappelle qu'elle portait sur la commémoration du 60e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, le héros de l'indépendance nationale. Il a été assassiné le 13 octobre 1961, avec alors un zoom sur son héritage en matière de sécurité et droits de l'homme. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Nous disons également merci à Alain Boukayeneza pour la réalisation de l'émission. Au micro, vous étiez avec Léonce Vitalio. Gardez l'écoute, nos programmes continuent sur Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.